بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc la semaine dernière, on s'était arrêté avec ici la prédication discrète et la prédication ouverte. Et on avait cité l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam quant au fait ici d'appeler les gens de façon ouverte, ou plutôt d'abord afouan de façon cachée ou de façon discrète en premier lieu, quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salam ya ayyuhal mudathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Donc ici le prophète a eu l'ordre ici d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle ad-da'watu ila Allah azza wa jal, l'appel à Allah, l'appel à Allah. Ensuite une période est passée, et ici comme je vous avais mentionné la semaine dernière, certains savants disent 3 ans, d'autres préfèrent s'abstenir quant au délai et disent qu'on n'a pas de preuves authentiques. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam wa hadha qawlu rajih, et ça c'est la parole la plus sûre, on va dire, wallahu a'lam, qu'il n'y a pas de preuves authentiques quant au fait de dire qu'il y a eu une période qui s'est écoulée de 3 ans. Donc on dit qu'il y a eu une période qui s'est écoulée. Ala kulli hal, il y a une période qui s'est écoulée. Ici on avait dit parmi les sagesses, c'était que le prophète alayhi salatu wassalam, ça lui a permis ici de voir sa peur se dissiper et de pouvoir se préparer à ce deuxième ordre qui était wa anzir ashiratakal aqrabin, et avertis ton clan le plus proche. Et ça c'est ce qu'on appelle الدعوة إلى الله, donc l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, lakin ouvert, apparent. Donc il n'y a plus ce fait ou le fait de se cacher, de faire cet appel discrètement. Il n'y a plus d'intérêt de cacher cette prédication, mais Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wa salam d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala de façon ouverte, de façon ici de le faire en public. Et le prophète alayhi salatu wa salam, bien sûr, a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ici a commencé ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala de façon ouverte. Et on avait dit que le prophète alayhi salatu wa salam avait commencé par at-tawhid. Avait commencé par at-tawhid. C'est ce que tout prédicateur et tout imam et tout savant doit commencer. Ou c'est par ce, que tout imam et tout prédicateur doit commencer at-tawhid. Il y a beaucoup de versets coraniques qui nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux prophètes et messagers de commencer par at-tawhid. D'accord? Et parmi ces versets, ce qu'on avait cité, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. D'accord? Qu'Allah Azza wa Jal dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du ta'route. Écartez-vous du ta'route. Donc on avait rappelé que le croyant doit commencer par at-tawhid dans sa prédication. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, ici rapidement, de façon bref, le mot طَاغُوتِ vient du mot arabe طَارَ. Le mot طَاغُوتِ vient du mot arabe طَارَ. طَارَ qui veut dire déborder, transgresser, dépasser des limites. D'accord? Donc, ça veut dire déborder, transgresser. Et Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda a dit que الطَاغُوتِ a donné sa définition à lui concernant الطَاغُوتِ. D'accord? Et il dit, c'est al-shaytan. Umar ibn al-Khattab, il dit, ta'ghout, c'est shaytan. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit, yani, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça, al-ta'ghout. Ça, c'est la définition qu'a donné, yani, imam Malik. Kullu ma yu'bad min duni Allahi tabaraka wa ta'ala. Et quant à Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah ta'ala, il a donné une définition ici qui est parmi les définitions les plus claires et les plus complètes, et qui réunit bien sûr les paroles de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, ainsi que de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et que beaucoup de salaf. Et il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tout objet de culte ou bien modèle, donc tout modèle, d'accord, que l'on suit ou à qui on obéit, tout modèle que tu suis et à qui tu obéis, et qui amène l'homme à dépasser les limites. Et qui amène l'homme à dépasser les limites, il dit, ça c'est at-tarut. C'est la définition de at-tarut. Et parmi les principaux tawarit qui sont connus, il y a bien sûr al-shaytan. D'accord? Il y a shaytan, celui qui prétend aussi connaître l'invisible, c'est un tarut. Celui, يعني qui incite les gens à l'adorer, d'accord? Si quelqu'un incite les autres personnes de l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un taghout. Toute personne qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui agrée cette adoration, d'accord? Attention à la condition, et qui agrée. Wa yarda bidhalik. D'accord? Il est consentant quant au fait qu'on l'adore. Parce qu'il y a des prophètes qui ont été adorés. Isa alayhi salam. Même le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam par certains wala'iyadu billah qui partent à l'excès quant au fait d'aimer le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam ou n'importe quel autre prophète. Donc cet amour à l'excès et qui n'a pas été régi selon le Coran et la Sunna les a poussés à adorer certains prophètes. Donc on peut pas dire que ces prophètes sont des tawarit. Donc c'est pour ça on dit toute personne qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui agrée, d'accord, qui agrée cette adoration. Et bien sûr, il y a celui qui gouverne par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est parmi les principaux tawarit. À la kulli hal, simplement pour donner un peu une idée quant au verset coranique. Et bien sûr, le prophète alayhi sallam a poursuivi aussi sa da'wa ici quant au fait de croire à l'akhirah et al-bahth, la résurrection et à l'au-delà. D'accord? Et donc, ici, il faut savoir que Allah Azza wa Jal, après qu'il ait donné l'ordre au prophète alayhi salatu wassalam d'appeler ouvertement, il rappelle au prophète alayhi salatu wassalam ici qu'il doit être ferme quant à cet appel. Il doit être ferme et il doit exposer clairement cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala, sans crainte, sans honte. Il doit le dire clairement. Et il dit dans le Coran al-Karim, dans surat al-Hijr, verset 94, « Fasda' » Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wassalam, « Fasda' bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin. » Wa a'rid anil mushrikin. Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wassalam, avec une traduction approchée, « Et expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. » Et voilà que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le disait ouvertement, dans les marchés, dehors, en sortant de chez lui. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Et autour de lui, il y avait qui? Des associateurs, des dénégateurs, des gens qui avaient une notoriété, des gens qui étaient riches, et des gens qui adoraient des statues, et tous, bien sûr, au départ, sauf إلا من رحم الله تبارك وتعالى, étaient contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci n'a pas fait ralentir le prophète alayhi salatu wassalam. Il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah azza wa jalla lui a dit fasda' et expose clairement. Et expose clairement. Donc le prophète alayhi salatu wassalam le disait ouvertement. Et bien sûr, ça a attisé ici, ou plutôt ça a attiré ici, la colère des dénégateurs et des Quraysh ici qui étaient à la Mecque. Et bien que Abu Talib, comme on l'avait dit, est mort en associant ou en tant qu'associateur, ici ça a été un bien qu'il a été auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Car Abu Talib, comme on l'avait dit, il avait juré de protéger et venir en secours au prophète alayhi salatu wassalam ici jusqu'à sa mort. Et c'est ce qu'il a fait Abu Talib, bien qu'il soit mort ici mécréant. Donc ils se sont mis à mettre en œuvre plusieurs tactiques, d'accord, pour pouvoir détourner cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il commence sa da'wa ouvertement après qu'il ait formé son petit groupe, d'accord, dans Dar al-Arqam, d'accord, de ce compagnon. Il a formé son petit groupe. Donc il commençait cet appel, cette prédication ouverte. Alhamdulillah, il n'avait ni peur des gens, il ne cherchait ni la notoriété, il ne cherchait ni la richesse, il ne cherchait ni à être populaire, mais il ne cherchait simplement qu'à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé à da'watu illallah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont commencé à faire plusieurs choses. Parmi les choses qu'ils faisaient, ici, les associateurs, les dénégateurs, auprès du prophète alayhi salatu wassalam et concernant as-sahaba radiyallahu anhu arda. Ils ont commencé ce qu'on appelle les persécutions. Ils ont commencé les persécutions et c'est le sujet ou notre sujet d'aujourd'hui. On va parler principalement des persécutions envers le prophète alayhi salatu wassalam aujourd'hui. Et la semaine prochaine, inshallah ta'ala, on va rentrer plus en détail concernant les persécutions envers as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Et ces persécutions, ça a été une des causes principales qui a fait que les compagnons, ça sera dans deux cours prochains, inshallah ta'ala, a poussé as-sahaba à faire la première émigration vers l'Abyssinie. C'est ces persécutions-là. Donc, on revient au prophète alayhi salatu wasalam et as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Par quoi ils ont commencé? Par quoi ils ont commencé? Et c'est ce qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui de façon générale. C'est ce qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui. Ces sortes de persécutions. Parce qu'il n'y a pas que les persécutions physiques. Il y a les persécutions morales. Il y a les persécutions morales qui quelquefois font plus mal que les persécutions physiques. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle leur comportement et il dit dans le Coran al-Karim إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا الْحَبِيبَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. نعم إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. الله عز وجل rappelle leur comportement et il dit dans sourate al-mutaffifin, il dit les criminels riaient de ceux qui croyaient, donc ils se mettaient à rire pour les rabaisser, ils riaient d'eux, comme au jour d'aujourd'hui on voit des dénégateurs, on voit des gens qui sont contre, même à l'intérieur de chez nous, c'est ce qui fait le plus mal, qui sont contre par exemple la sunna du prophète alayhi salatu wasalam et qui se mettent à rire et à voir ce comportement qui est ou qui fait partie des critères, je ne dis pas que ce sont, mais qui fait partie des critères ici des dénégateurs, des associateurs et des hypocrites. Et Allah Azza wa Jalla rappelle que cette persécution a commencé avec quoi aussi? Avec le rire, avec le dénigrement. Et Allah il dit dans le Coran, les criminels riaient de ceux qui croyaient, c'est-à-dire le prophète et les compagnons. Et passaient près d'eux, ils faisaient des œillades, des petites œillades entre eux quand ils tournaient le dos. Ils faisaient des yataghamazun, ils faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui, ce sont ceux qui crut, ou qui ont cru plutôt, qui rient des infidèles. Aujourd'hui, c'est quand? Yawm al-Qiyam, au jour de la résurrection. Ici-bas, tu riais d'eux, au jour de la résurrection, c'est eux qui rient de toi. Voilà ici leur dénigrement envers as-sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Na'am, Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans la sourate 6, verset 33, sourate al-An'am, nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Allah, il parle au prophète alayhi salatu wassalam. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vint, et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Et si leur indifférence t'afflige énormément et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Allah Azza wa Jal, ici on voit que il remonte le moral au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui rappelle qu'il y a des messagers avant toi qui ont enduré ce que tu endures au jour d'aujourd'hui. Et que tu n'es pas là pour les satisfaire eux, mais satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on voit que le prophète a eu mal. Car le prophète était un être humain. Le prophète il ressentait des choses. Il avait mal. Le prophète, il avait peur dans certaines situations. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait des faiblesses que n'importe quel être humain peut avoir. C'était un être humain. Pour nous rappeler que le prophète alayhi salatu wassalam, c'était un être humain. La meilleure des créatures, certes, mais un être humain. Ensuite, quand ils ont vu que leur rire, n'était pas vraiment efficace, leur dénigrement, leurs œillades, ici, entre eux, ils ont commencé à monter de degrés. Ils ont monté de degrés. Donc, ici, ils ont commencé à dire, on doit détourner les gens de ceux à quoi le prophète alayhi salatu wasalam, c'est-à-dire le Mohammed, ce personnage-là, appelle Al-Qur'an Al-Karim. Et ils ont commencé à dire toutes sortes de mensonges. Wa qalu asatirul awwalin. Et ils ont dit, Allah il dit dans Al-Qur'an Al-Karim ce que disaient ces dénégateurs, et ils disaient, ce ne sont que des contes d'anciens. Car le prophète alayhi salatu wasalam, il prêchait quoi? La parole d'Allah. Donc eux, ils devaient détourner, ici critiquer, d'accord, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il disait, ce ne sont que des contes d'anciens. وَقَالُوا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ce ne sont que des contes d'anciens. Et ensuite, il dénigrait aussi le prophète lui-même, car c'est lui qui a appelé à suivre les paroles d'Allah. Et ils l'ont traité de quoi? Ils l'ont traité de fou, de majnoun. Ils l'ont traité de sorcier. Ils l'ont traité de quoi? De menteur, kadhab. Alors qu'au début, il l'appelait Muhammad al-Amin, le djinn de confiance. Mais quand il est venu avec le haq, bien sûr, ils n'ont pas accepté. Allah Azza wa Jalla nous le rappelle. Et il dit dans le Coran, surat al-Hijr, verset 6. Et il dit, وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Ça c'est qui dit? Les dénégateurs. Dans surat al-Hijr, verset 6. Ils disent, ô toi à qui le rappel a été révélé, tu es en vérité un possédé. Tu es en vérité un possédé. Donc Allah Azza wa Jalla rappelle que ces dénégateurs traitaient le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam de quoi? De majnoun, de possédé. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le Coran al-Karim surat Sad, verset 4. Il dit, كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَنَادَ وَلَّاتِ حِينَ مَنَاصِ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Donc Allah Azza wa Jal il dit, hein, concernant toujours ces mêmes dénégateurs, et ceci s'étonne qu'un avertisseur des leurs soit venu à eux, tandis que les dénégateurs disent, c'est un sorcier, un grand كذاب, un menteur. Voilà ce qu'ils disaient sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont menti sur le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Ils ont dénigré le prophète alayhi salatu wassalam. En bref, ils ont voulu casser le moral du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont voulu casser son moral. D'accord? Ensuite, on a un récit. Ici, on va prendre une morale de tout ça, bien sûr, après. On a un récit rapporté par Ibn Abbas. Par Ibn Abbas, avec une chaîne de transmission authentique. Il raconte l'histoire de Dimad. Il raconte l'histoire de Dimad. Donc, on revient un peu en arrière. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé son appel. Ils ont commencé à rire du prophète et des compagnons. Aucun résultat. Ils ont commencé à dénigrer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun résultat. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ils ont monté de degré, ils ont dénigré le prophète lui-même. Ils ont dit, c'est un fou, c'est un possédé, c'est un sorcier. Aucun résultat. Ils ont monté de degré, ils ont fait quoi? Ils ont dit, bon, maintenant il faut trouver une autre technique. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma wa ardaha. Il nous raconte que l'histoire de Dimad, il nous dit, donc les Quraysh s'étaient réunis et avaient décidé d'envoyer une personne. Une personne qui pourrait parler avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc pour essayer un peu de le détourner. Donc on critique, on rit, on ment sur la personne, aucun résultat. Donc là, on sait que ça c'est ce qui est répandu au jour d'aujourd'hui aussi. Quand on voit qu'une personne, on n'arrive pas, yani, à lui faire du mal en riant sur lui, yani, en mentant sur lui, en racontant, entre guillemets, des bobards sur lui, en détournant les gens de lui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on rentre dans les pourparlers, donc dans la négociation, d'accord? Ou soit, on monte de degré. C'est ce qui va venir par la suite. C'est quoi? C'est qu'on essaye d'exterminer la personne. Donc les persécutions, ça ne devient plus des persécutions simplement morales, mais ça devient des persécutions physiques. Ça devient des persécutions physiques. Donc ici, on n'est pas encore arrivé là. Donc ici, on voit que Quraysh envoie ce personnage qui est Dimad, qui était réputé quant à son éloquence dans la poésie, yani, quant à son expérience concernant la sorcellerie et autres. D'accord? Donc c'est un grand penseur parmi les Arabes. Ils l'ont envoyé. Et lors d'une visite à la Mecque, il entendit des Mécois affirmer que Mohammed était fou. Donc hein, quand il était ce personnage-là, Dimad, avait entendu que Quraysh parlait de ce personnage-là qui était Mohammed et il disait de lui qu'il était fou. Donc ici, confiant en ses capacités, il se dit en lui-même, si j'arrive à rencontrer cet homme, peut-être Allah le guérira-t-il par mon intermédiaire. Donc ici, ils ont été d'accord. Ils ont été d'accord que Dimad parte à la rencontre du prophète alayhi salatu wassalam. Et lui, il était confiant en Dimad. Il a dit peut-être que Allah, par mon intermédiaire, le guérira. Car il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala, ajib. Et donc on voit que Dimad a décidé de se rendre chez le prophète alayhi salatu wassalam. Il alla, il rencontra le prophète alayhi salatu wassalam et il lui dit, Mohammed. Donc ça c'est ce personnage-là, qui était sûr de lui. Et qui s'est dit, bon peut-être qu'il est vraiment fou lui. Lui il était dans la perspective qu'il était vraiment fou. Donc il s'est dit, il est vraiment fou, donc moi je vais lui venir en aide. Et donc Quraysh était content bien sûr. Donc il est parti, il a rencontré, il a dit à Mohammed. Il lui dit, je suis capable de protéger celui qui souffre d'une maladie mentale, ou qui est victime de sorcellerie. Et Allah guérit qui il veut par mon intermédiaire. Souhaites-tu que je te guérisse? Donc imaginez-vous, le prophète alayhi salam qui voit ce personnage-là, qui vient vers lui, qui dit, est-ce que tu veux que je te guérisse parce que je sais que tu es fou? Ensuite, À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam répondit en commençant par les paroles qu'il utilisait habituellement au début de ses sermons. Et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, par quoi il a répondu? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa innal hamdalillahi nahmaduhu na'am wa nasta'inuhu. Jusque là, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Voilà, exactement par les termes par lesquels le prophète lui a répondu. Donc il lui a dit, toutes les louanges et tous les remerciements sont pour Allah. Nous le louons et nous implorons son aide. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui laisse s'égarer, nul ne peut le guider. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Il est l'unique, il n'a aucun associé. Et Mohammed est son serviteur et messager. Voilà pourquoi le prophète alayhi salam lui a répondu. Dhimed, qu'est-ce qu'il a fait? Dhimed, saisi par la beauté de ses paroles, lui demanda de les répéter. Il lui a dit, répète-les encore. Une fois, deux fois, trois fois. Et le prophète, il répète. Inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc, il lui a répété. Et ensuite, Dhimed, il dit, wallahi, j'ai entendu les paroles des devins. J'ai entendu les paroles des sorciers. Et j'ai entendu les paroles des poètes. Mais jamais je n'ai entendu de telles paroles. Elles atteignent les profondeurs des océans. Donne-moi ta main afin que je te prête serment d'allégeance. Ça, c'est avec une chaîne de transmission authentique, rapportée par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc là, on voit quoi, ayyuhal ahbab? On voit que les ruses, ou plutôt la ruse des ruseurs contre le haq, ou contre les gens de la vérité, ou qui sont sur la vérité, tout le temps, à 100%, se retourne contre le ruseur. Ça, c'est clair et net. Il faut se mettre dans sa tête. Que celui qui ruse pour faire du mal, ou pour détourner les gens qui sont dans la vérité de la vérité, na'am, sachez que cette ruse va se retourner contre eux. Eux, ils en voient, et ils sont contents, et ils approuvent le fait que Dhimed va voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et ils voient le personnage qui est Dhimed revenir avec quoi? Avec quel iman, avec quel islam. Donc on voit que la ruse s'est retournée contre eux. Ils ont demandé conseil aussi à Al-Walid ibn al-Mughira. Vous connaissez cette histoire aussi, hein, authentique. Ils ont demandé aussi conseil à Al-Walid ibn al-Mughira. Quel mensonge dire sur Mohammed? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire sur ce personnage-là? Donc ils étaient dans le principe de détourner les gens du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire sur lui? Est-ce que c'est un sihar? Est-ce que c'est un mjnoun? C'est un fou, etc. Donc ici, il s'est mis à réfléchir. Quel est ce personnage? Al-Walid ibn al-Mughira. Il s'est mis à réfléchir. Avant de donner ici son avis. Allah Azza wa Jal, il parle de lui dans le Coran al-Karim. Et il dit, innahu fakkara wa qaddar. C'est qui? Al-Walid ibn al-Mughira. Allah Azza wa Jal dit, innahu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar. ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إلى آخر الآية. Donc Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets coraniques concernant ce personnage qu'ils ont été consultés ici et qui se mettaient à réfléchir quant au fait de donner ici quoi? Une étiquette au prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dit, il a réfléchi et il a décidé. Qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé. Donc, il décrit le comportement qu'avait Al-Walid ibn al-Mughira. Et il dit, ensuite, il a regardé. Et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis, il a dit, ceci, le Coran n'est que magie apprise. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, on va dire que le Coran, Al-Qur'an, ce n'est que une magie apprise. Et Allah Azza wa Jal, il dit, ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense, as-saqar. Dans un feu ou dans le feu intense, saqar. Et qui te dira ce qu'est as-saqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Et la akhir al-ayat. Donc, ça c'est qui? On parle de qui? Al-Walid ibn al-Mughira. Allah Azza wa Jal dit et décrit son comportement et ce qui? Wal-iyadu billah, qu'Allah nous en préserve ce qui lui attend. Rapporté par Ibn Ishaq, bisanadin sahih. Rapporté par Ibn Ishaq avec une chaîne de transmission authentique. Un groupe de Quraysh a voulu négocier en disant, ici, un groupe de Quraysh, donc on a dit, quand on voit que, ici je dis de façon brève un peu, hein, il n'y en a pas pour citer toutes les histoires dans les détails, il y en a concernant le dénigrement du prophète alayhi salam, je vous ai cité certaines histoires authentiques. Ici, un groupe de Quraysh, on a dit, sont rentrés dans les pourparlers, dans la négociation. Car on a dit, quand il n'y a aucun résultat positif chez les dénégateurs, quand ils essayent de dénigrer une personne, ils sont obligés de rentrer dans la négociation. Surtout quand la personne a de l'impact, a de la notoriété. Donc ils se disent, on va faire quoi? Il a trop de notoriété. Les gens le suivent trop. Cette personne-là, yani, on a beau le dénigrer ou lui mettre des bâtons dans les roues, ça ne mène à rien. On rentre dans la négociation. Ça, c'est connu, ça. Donc ils ont essayé de négocier. Et Ibn Ishaq raconte, avec une chaîne de transmission authentique, ici, qu'un groupe de Quraysh est parti le voir. Ils ont dit, ya Mohammed, ce qu'on va faire maintenant. Donc il négocie avec lui. Nous maintenant, on va adorer ton Seigneur. On va adorer ton Seigneur. Il n'y a pas de problème. Lakin, en échange, tu adores nos statues. On fait du moitié-moitié. Nous, une période, on adore ton Seigneur. Et une période, tu adores nos statues. D'accord? Ils minimisent les dégâts. Donc on voit, au début, ils veulent la gérance totale. Ils voient qu'ici, ils ne peuvent pas. Donc ils négocient. Moitié-moitié. Au moins, on fait la moitié-moitié. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il aura répondu? Allah Azza wa Jalla a révélé le verset coranique qui est connu, ou les versets coraniques plutôt, de surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuha al-kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidun ma a'badtum, wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum wa liyad-din. Voilà Allah subhanahu wa ta'ala qui révèle ces versets coraniques ici, dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Je n'adore pas ce que vous adorez. Pas de négociation. Nous on adore Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Et on n'est pas intimidé par les fleurs, ou par les cadeaux, ou par les mérites, ou par les richesses. Je n'adore pas ce que vous adorez. Dis, c'est-à-dire Mohammed, قول, ya ayyuha al-kafirun, dis, oh vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. À vous votre religion et à moi ma religion. Et attention de faire comme certains égarés, wal'iyadu billah, qui font, qui dès qu'ils ont un petit conflit avec un frère ou une sœur, qu'est-ce qu'ils disent? Lakum din ou kum waliyad-din. Comme si, subhanallah, c'était un conflit, yani, qui concernait un musulman et un non-musulman. Non, ça, attention, ça, on le dit. Ça, c'était d'un côté, il y avait le prophète, alayhi salam, et de l'autre côté, des associateurs. Lakum din ou kum waliyad-din. Donc, ils ont envoyé aussi un personnage qui s'appelait Utba ibn Rabi'a. D'accord? Donc, ils ont envoyé aussi ce personnage-là, Utba ibn Rabi'a. Donc, retenez ici, inshallah ta'ala, les noms. On avait parlé de Al-Walid ibn al-Mughira. Ils ont envoyé aussi Utba ibn Rabi'a. D'accord? Et ça, c'est rapporté par Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, avec une chaîne de transmission jugée, ou plutôt rendue bonne par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ils se sont réunis et ils ont dit, on va envoyer le meilleur des sorciers et le meilleur en poésie. Petite rectification à Afon ici. Concernant tout à l'heure, je vous ai parlé de Dimed et je vous ai dit, ils se sont dit, on va envoyer la personne qui était le meilleur en poésie et en sorcellerie. Attends, Afon, petite correction. Ça, ce comportement-là, c'était par rapport à Utba, c'était pas par rapport à Dimed. Lakin, le récit est authentique, concernant Dimed qui est parti rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord. Ça, c'est Utba, petite rectification. Utba, ici, ils ont décidé d'envoyer ce personnage-là. Pourquoi? Car il était réputé pour être parmi les meilleurs des sorciers, le meilleur des poètes, etc. Donc, ici, c'était une tête. C'était un homme fort des Quraysh. Donc, ils ont décidé de l'envoyer au prophète alayhi salatu wassalam. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et il a commencé à parler avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, ô Mohammed, tu nous as apporté une chose nouvelle, étrangère à nos traditions. Si tu cherches pour cela de l'argent, on fera de toi le plus riche des hommes. Si tu veux de l'argent, on te donnera ce que tu veux. Donc si tu veux devenir un chef, on t'élira pour cela. On t'élira pour cela. Si tu veux des femmes, on te donnera les femmes que tu veux. Même si tu veux 10 femmes, tu auras tes 10 femmes. Tu as ce que tu veux. Donc il a négocié avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il choisissait les personnes adéquates pour aller négocier avec le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, ce n'étaient pas des gens bêtes, les Arabes. Ils n'allaient pas envoyer n'importe qui. Et ça, C'est ce qu'on retrouve dans l'islam. Et c'est ce qu'on va retrouver tout au long de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, quand on amène ou on envoie une personne pour négocier ou pour parler, on n'envoie pas n'importe quelle personne. On envoie les personnes les plus aptes à négocier et à rentrer dans les pourparlers. Eux, les Arabes qui n'avaient pas la religion, ils envoyaient pas n'importe quelle personne. Ils choisissaient les personnes les meilleures et les plus adéquates pour pouvoir négocier. Donc là, ils sont partis voir une personne qui avait quand même un certain niveau. Parce qu'ils savaient que ils avaient affaire au prophète alayhi salatu wassalam. Pour eux, c'était Mohammed. Lakin, ils reconnaissaient ses énormes qualités. Et ils voyaient que tout ce qu'ils ont tenté, ça ne menait à rien. Donc ils ont pris cette personne-là, Utba. Donc il a commencé à négocier. Il lui a dit, on te donnera ce que tu veux. Des femmes, de l'argent, yani, tu as ce que tu veux. Et si c'est une chose qui te vient malgré toi, on fera venir le meilleur médecin. Si tu es fou ou tu as un problème, on va te ramener un médecin. Dis-nous ce qu'il y a, ce que tu veux vraiment. Donc il ne comprenait pas vraiment. Et donc, lorsque Utba termina de parler, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit Afarakht. Il lui a dit quoi? Afarakht, c'est-à-dire, est-ce que tu as fini? Il a dit Naam. Il a dit maintenant à toi de m'écouter. Ça c'est qui? Le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous donne l'éducation. On ne coupe pas la parole. Regardez l'éducation. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a en face de lui un dénégateur, un associateur, une personne qui, le prophète alayhi salatu wassalam, sait qu'il veut le détourner de la vérité. Il l'a écouté jusque la fin. Ensuite, il lui a dit, Afarakht, est-ce que tu as terminé? Il lui a dit, Naam. Il a dit, maintenant, à toi de m'écouter. Regardez l'adab. La biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas simplement un livre qu'on lit sans méditer. On dit, moi je la connais, donc je n'ai pas besoin de la réécouter. C'est pour méditer. Et c'est pour prendre ici exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam quant à son comportement. Quant à son comportement dans les différentes situations. Ça, c'est peut-être un hadith que beaucoup ont déjà lu. Mais est-ce qu'on s'est arrêté ici quelques instants sur ce passage-là en se disant, regardez, le prophète alayhi salam, il a laissé un dénégateur parler, il lui a dit, Afarakht, est-ce que tu as terminé? Maintenant, à toi de m'écouter. Le comportement. Nous, maintenant, on coupe la parole à tout le monde. Même quand on voit des gens qui parlent avec Allah, a dit, le prophète alayhi salam a dit, on coupe la parole. Jusqu'à ce qu'on voit même dans des cours, donc c'est pas ici, walillahi alhamd, mais dans des cours, ça arrive, on voit dans certaines mosquées, ici, il y a une personne qui fait des cours et on le coupe, comme ça, au milieu du cours. Ça manque de adab. Ça, c'est un manque de politesse. La moindre des choses, quand tu parles avec une personne, qu'il soit musulman ou non musulman, parle pas que des musulmans. Là, le prophète alayhi salam parle avec quoi? Un associateur, qui non seulement est associateur, mais qui vient essayer de détourner le prophète alayhi salam de la vérité. Il lui a dit, est-ce que tu as terminé? Il l'a laissé terminer, le prophète alayhi salam. Donc ça, c'est un comportement, ici, à méditer. Et ensuite, le prophète alayhi salam lui a dit, maintenant, à toi, à ton tour de m'écouter. Et il récita les versets coraniques, le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète a répondu avec quoi? Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il appelait les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quoi? Avec le Coran. Avec le Coran. Et ça, c'est encore un rappel pour nous et pour tous les prédicateurs, comme disent les gens de science. Les savants ou les imams, ne serait-ce que les imams dans les mosquées, se doivent, dans leurs prêches particulièrement, dans leurs cours, dans leurs exhortations, augmenter le rappel par Al-Qur'an al-Karim. Ils doivent multiplier ici le fait d'exposer aux gens les versets coraniques. Quand tu vois qu'un prêche, dans un prêche, il y a très peu de versets coraniques, sache que ce prêche n'a pas beaucoup de valeur. Quand tu vois qu'un cours ou une exhortation yani, est rempli de paroles d'une personne, de hadith, na'am, soit on doit citer les versets coraniques et les hadiths aussi, car le prophète ne parle pas de lui-même, mais où il y a très peu de versets coraniques qui ont été cités, sache qu'il y a un manquement ici, ou un manque dans ce prêche, ou bien dans ce cours. On se doit ici de multiplier et d'augmenter ici le fait d'exposer aux gens les versets coraniques. Et rappel par Al-Qur'an, c'est Allah qui le dit dans le Qur'an. Et rappel par Al-Qur'an. وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ. Naam, rappel par le Coran. Et pour ça, on doit apprendre Al-Qur'an Al-Karim. Et pour ça, on doit comprendre Al-Qur'an Al-Karim. Car tu ne peux pas appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala par le Coran alors que tu ne le connais pas et tu ne l'as pas compris. C'est pour ça qu'on en revient à deux sciences très importantes. C'est un, le fait d'apprendre Al-Qur'an Al-Karim par cœur. Et deux, de comprendre Al-Qur'an Al-Karim ici comme il se doit. Car c'est indispensable pour da'watu ilallah tabaraka wa ta'ala. Et le premier argument sur lequel ou dans lequel ici le musulman ou le mufti ou le savant puise pour donner par exemple des fatwas ou des avis juridiques, c'est Al-Qur'an Al-Karim. C'est d'abord le Coran. Donc ici, on voit que le prophète alayhi salatu wasalam répondait, parlait, appelait les gens ici par le Coran al-Karim. Et quand cette personne-là a terminé, le prophète alayhi salatu wasalam lui a répondu par les versets coraniques, Hamim tanzilum min ar-Rahman ar-Rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون الآيات. Il lui a cité les 16 versets, ou plutôt 16 versets coraniques de sourate Fussilat. Il dit, Hamim, c'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran, lecture arabe, pour des gens qui savent, annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs. Mais la plupart d'entre eux se détournent. C'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous as appelés. Nos oreilles sont sourdes et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons d'une autre. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon et malheur aux associateurs al-ayat. Donc on voit ici les exhortations venant d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète a cité à qui? À Utba. Donc il lui a répondu directement par Al-Qur'an Al-Karim, donc la sourate 41. Donc ici, encore, on voit que leur plan a échoué. Donc à ce moment-là, quand ils ont mis tout en œuvre pour essayer de détourner les gens du Coran, détourner les gens du prophète, dénigrer le prophète, dénigrer Al-Qur'an Al-Karim, As-Sahaba radiyallahu anhum, ils ont commencé à quoi? Rentrer dans les pourparlers. Rien à faire. Aucune négociation possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La dernière solution qu'il reste, les persécutions physiques. Donc ça, il faut comprendre ces étapes. C'est pas dire, oui, on sait qu'ils ont ri sur le prophète et les compagnons, ils ont persécuté. Non, il faut comprendre ces étapes. D'abord, il y a eu quoi? Les rires. Ils les ont dénigrés. Parce qu'ils prenaient ça aussi en raillerie. Pour eux, au début, ils se disaient, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Donc ils ont vu que ça a pris de l'ampleur, ils ont commencé à détourner les gens. Rien à faire. Ils ont commencé à mentir sur le prophète, rien à faire. Ils ont menti sur le Coran, rien à faire. Ils sont rentrés pour parler, rien à faire. Négociation, rien à faire. Le prophète alayhi salam, il est là pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une mission. Il a une mission et il va jusqu'au bout. Et il est ferme quant à l'accomplissement de cet ordre venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont commencé les persécutions physiques. L'humiliation. Le déshonneur du prophète alayhi salatu wasalam. Donc là, ils l'ont touché dans son honneur. Attention, ce n'est pas rien de toucher une personne dans son honneur. D'accord? Ils l'ont touché physiquement. Et ils ont commencé à le toucher dans sa famille. Ils l'ont touché physiquement, on va voir certains récits authentiques. L'imam al-Bukhari rapporte les paroles de Abdullah ibn Mas'ud, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il rapporte les paroles de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, priait un jour au temple sacré. Donc, il priait ici, donc, en face de la Kaaba. Alors que Abu Lahab et son groupe étaient assis en ce lieu, soudain, quelqu'un de ce groupe dit à ses compagnons, « Lequel d'entre vous va chercher les restes des chameaux ou de chameaux égorgés dans le carré de tel ?» D'accord ? Regardez les idées qu'ils avaient. « Wal'iyadu billah. » Il dit donc, « Lequel d'entre vous va chercher les restes de chameaux égorgés dans le carré de tel, afin que nous les posions sur le dos de Mohammed lorsqu'il se prosterne ?» On envoyait le pire des gens, à savoir Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba, qu'Allah le maudisse, ici, ibn Abi Mu'ayt. Celui-ci les apporta et attendit jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, se fût prosterné pour les lui poser entre les épaules. Sous mes yeux, je n'avais aucun pouvoir. C'est qui dit ça? Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, sous mes yeux, donc il était présent, je n'avais aucun pouvoir de nature à me permettre de m'y opposer. Parce qu'au début, ils étaient quand même faibles. Et c'est un petit groupe. Alors imaginez-vous, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand Allah lui a ordonné d'exposer clairement, il répétait dans l'aswaq, dans les marchés, tout seul. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Tout seul. Il n'avait peur de rien. Imaginez-vous, alors qu'il y avait des hommes, Abdullah ibn Mas'ud et autres, étaient présents, même là, dans cette situation, il voit le prophète, alayhi salam, il n'a pas pu bouger. Pourquoi? Dû à leur faiblesse aussi. Et ils étaient très nombreux, très forts, très riches. Ensuite, alors ils se mirent à rire. Imaginez-vous les situations. Prophète prosterné devant la Kaaba, regardez l'humiliation que le prophète alayhi salam lui-même a subie. Donc, vous suivez ici. On va voir les morales par la suite. Ça, c'est le prophète. Ils se mirent à rire, à se pencher les uns sur les autres, sous l'emprise de la gaieté et de l'exubérance. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, resta prosterné jusqu'à l'arrivée de Fatima, radiyallahu anha wa ardaha, c'est-à-dire sa fille, lui-même, au prophète, alayhi salatu wassalam, qui est venu alors qu'elle était très jeune, et elle commença à ôter les saletés du dos du prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était prosterné en face de la Kaaba. Il releva la tête, et à ce moment-là, il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh. Thalatha. كان حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثة. Quand le prophète عليه الصلاة والسلام il avait l'habitude d'invoquer ou de demander, il demandait par trois fois. Le prophète a levé ses mains au ciel. Et il a dit, اللهم عليك بقريش. Oh Allah, occupe-toi de Quraysh. اللهم عليك بقريش. Oh Allah, occupe-toi de Quraysh. اللهم عليك بقريش. Oh Allah, occupe-toi de Quraysh. C'est là de l'invocation de qui? Du prophète عليه الصلاة والسلام alors qu'il était opprimé. Et الدعوة المظلوم, l'invocation de l'opprimé, celui qui est touché par une injustice, elle n'est pas rejetée, elle est acceptée. Imaginez-vous l'invocation ici du prophète alayhi salatu wassalam qui est touché par une injustice. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam cita ensuite des noms disant, il va plus loin le prophète. Il dit, occupe-toi de Quraysh, il continue à lever ses mains et il dit, et il cite certains noms. Il dit, Allahumma alayka bi Abi Jahl. Allahumma alayka bi Utba ibn Rabi'a. Allahumma alayka. Et il a cité plusieurs noms. Il y en a de personnes qui étaient présentes. Et ça, les savants prennent ici de ce hadith pour dire que c'est autorisé quand tu es touché d'une injustice grave et autre. Mais ça, c'est vraiment si tu es touché d'une vraie injustice et autre, et que c'est des personnes, il y en a qui soient soit associateurs, soit dénégateurs ou autres, il y en a qui te font vraiment du mal, tu as droit, islamiquement, au niveau shar'i, en soi-même, c'est autorisé de citer les noms des personnes. Allahumma alayka bi fulan ibn fulan, Allahumma alayka bi fulan ibn fulan, tu as droit de citer les noms. Le prophète a cité leurs noms directement. Il ne s'est pas contenté de dire Allahumma alayka bi Quraysh. Il a cité leur nom. Et ici, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, il dit Wallahi par Allah. Il dit, je les ai tous vus ces personnes ici que le prophète alayhi salatu wassalam a cité ou a invoqué contre eux, mourir à la bataille de Badr. Il dit, ils sont tous morts. Ils sont tous morts ici en étant associateurs. Ils sont tous morts dans wal'iyadu billah, dans la mécréance. Et ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a été touché par cette humiliation, et sa fille Fatima qui était très jeune, qui était en train de lui enlever toutes ses saletés, ses boyaux et autres qui provenaient de ce chameau. Rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda wa an abi, Abu Jahl a dit, Wallahi, si je le vois prier devant la Kaaba, je lui écraserai sa nuque avec mon pied. Donc on voit là, ça y est, ça commence à être des persécutions de plus en plus intenses. Et ici, Abu Jahl, rapporté par al-Bukhari, il a juré, il a dit, Wallahi, si je vois le prophète alayhi salam se prosterner ici, devant la Kaaba, je lui écraserai sa nuque avec mon pied. Donc ça, il a juré, ça y est, lui, il était déterminé. Abu Hurayra, radiyallahu anhu arda, il cite, rapporté par Muslim, qu'Abu Jahl a dit, ça c'est rapporté par Muslim, il dit, Abu Jahl, après bien sûr qu'il ait juré qu'il lui écraserait sa nuque, il dit, voulez-vous que le visage de Mohammed soit couvert de poussière sous vos yeux? Donc c'est qui a dit ça? Abu Jahl. C'est Abu Jahl. Abu Jahl, c'est qui Abu Jahl? Wa alaykoum salam. C'est qui Abu Jahl? Par rapport au prophète alayhi salatu wassalam, c'est qui? C'est son oncle. Abu Talib, c'est qui? C'est son oncle. Son père, le prophète alayhi salatu wassalam, il est mort alors que le prophète était né ou pas? T'es pas né. Sa mère, il avait quel âge? 6 ans. Son grand-père, Abd al-Muttalib, il est mort. Il avait quel âge, le prophète? Vous suivez un peu la biographie. Il avait quel âge? 8 ans. Regardez, les personnes qui étaient le plus proches du prophète, alayhi salam, soit ils sont décédés, soit ils étaient contre le prophète, alayhi salatu wassalam, pour la plupart. Vous imaginez? C'est son oncle. Regardez les épreuves qu'il a eues, le prophète, alayhi salam, jusqu'à ce qu'il vienne avec al-haq, la vérité. C'est les gens de sa propre famille, son oncle, Abu Jahl, qui fait partie des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Bien que Abu Talib n'a pas eu le degré de Abu Jahl. Il n'a pas eu ce degré-là. Yani, d'égarement. Bien qu'il soit mort en tant qu'associateur. Mais on voit que ça a dû faire énormément mal au prophète alayhi salatu wassalam. Avec toutes ces épreuves qu'il a eues, toutes ces humiliations, c'est des gens qui font partie de sa propre famille. Pour rappeler à ceux qui disent, oui mais j'ai des épreuves, ça me fait mal. Il y a des gens de ma famille qui sont contre moi, qui n'acceptent pas ce que je dis. On dit, d'ilhamdulillah. Le prophète alayhi salatu wassalam va voyager un peu dans sa biographie et tu vas voir ce qu'il a enduré. C'est des gens qui étaient non seulement contre lui, mais qui leur souhait principal et leur rêve principal, c'était de tuer le prophète alayhi salatu wasalam. Avec tout ça, il a enduré le prophète alayhi salatu wasalam. On revient à ce récit-là, ici rapporté par Muslim. Donc Abu Jahl, qui est l'oncle du prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, voulez-vous que le visage de Mohammed soit couvert de poussière sous vos yeux? Oui, lui répondit-on. Alors il répondit, par Lat et Al-Uzza. D'accord? Il jurait par ces statues-là. Par Al-Lat et Al-Uzza. Si je le vois, je lui marcherai sur le cou et couvrirai son visage de poussière. Sur ses entrefaites, le prophète alayhi salam arriva et se mit à prier. Donc ici, le prophète alayhi salam s'est rendu à la Mecque et il a commencé à prier. Abu Jahl, il avait juré qu'il allait lui écraser sa tête ou son cou. Donc ici, les gens crurent qu'il allait lui marcher sur le cou, mais soudainement, il fit volte-face et retourna sur ses pas. Et dans un autre hadith authentique, le prophète alayhi salam, il était au courant. Il a été au courant par Fatima des propos de Abu Jahl. Et il a dit, Wallah, s'il le fait, les anges s'occuperont de lui. Le prophète est parti, il n'a pas eu peur. Il est parti, il a prié. Et Abu Jahl est arrivé, et au moment où il a voulu le faire, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il fit volte-face et retourna sur ses pas, faisant un bouclier de ses deux mains. L'assistance lui a dit, mais qu'as-tu donc? Donc il était comme ça, avec ses mains. Il était terrifié, il était traumatisé, Abu Jahl, alors qu'il s'apprêtait à quoi? Écraser la nuque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il répondit, il dit, il y a entre lui et moi un fossé rempli de flammes, et je vois des êtres munis d'ailes. Ça c'est Abu Jahl. Il dit, entre lui et moi, il y a un fossé rempli de flammes, et je vois des êtres munis de ailes. C'est qui? Al-Malaïka. Le prophète, alayhi salam, il l'avait dit, les anges s'occuperont de lui. Al-Malaïka. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, toujours dans ce même hadith rapporté par Muslim, authentique, il dit, Wallahi, s'il s'était approché de moi, les anges se seraient emparés de lui pour s'occuper de lui. Les anges se seraient emparés de lui. Et Allah, Azza wa Jal, il parle de Abu Jahl dans le Coran al-Karim ou pas? Il parle de Abu Jahl. Il parle de Abu Jahl dans le Coran al-Karim. Et il dit quoi? أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم أن الله يرى إلى آخر الآية. الله عز وجل parle de lui dans surat Iqra. C'est de qui parle? Abu Jahl, qui avait voulu empêcher le prophète alayhi salam de prier. Et Allah azza wa jalla dit, as-tu vu celui qui est interdit? Dans surat Iqra, as-tu vu celui qui est interdit, Abu Jahl, à un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la prière? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah le voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Allah Azza wa Jalla rappelle, ne lui obéis pas. À qui? Abu Jahl. On parle d'Abu Jahl dans surat Iqra. Ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Rapproche-toi de quoi? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la prière, par al-ibadat ayu al-ahbab. Et rapporté par l'imam al-Bayhaqi, bisanadin sahih, Utayba. Ici, il est rapporté, yani, qu'il y a même des gens qui sont venus et qui ont quoi? Qui ont craché sur le prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont craché sur le visage du prophète alayhi salatu wasalam. Et le prophète, il ne faisait que endurer. Et ici, le prophète alayhi salatu wasalam, il n'a jamais été faible. Mais il agissait avec sagesse, avec hikmah. Il avait le comportement qu'il fallait, au moment qu'il fallait, envers les personnes qu'il fallait. Donc ils lui ont craché sur le visage, ils l'ont dénigré, ils lui ont fait honte, ils ont menti sur lui, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que les savants, ils disent quoi? هذا هو الطريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Ça c'est le chemin de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah عز وجل dit, et qui profère une plus belle parole que celui qui quoi? Qui appelle à Allah et accomplit وَعَمِلَ الصَّالِحَ les œuvres salutaires, et qui dit, je suis ou je fais partie des musulmans. Si Allah le dit et rappelle ici ce verset coranique pour faire éloge à ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la récompense est de taille, mais aussi automatiquement les épreuves sont de taille. Toute personne qui utilise le chemin de la da'wa ilallah tabaraka wa ta'ala, il doit obligatoirement s'armer de patience, premièrement. Deuxièmement, s'il est sincère, il doit savoir obligatoirement qu'il va être touché dans son honneur, que les gens vont rire de lui, que les gens vont mentir sur lui, qu'il va être même peut-être persécuté physiquement, moralement, etc. Comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a été, comme les prophètes et les messagers l'ont été, comme as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum l'ont été, et comme tout as-salaf radiyallahu anhum wa ardahum, ainsi que les pieux prédécesseurs, ainsi que tabi'in, atba' tabi'in, yani, qui ont suivi ce chemin-là, l'ont été. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu ainsi. Donc si toi tu prends le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel à Allah, sache que tu seras éprouvé obligatoirement, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et les épreuves, on en a besoin. Les épreuves, on en a besoin. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, pour terminer ici, il dit une parole, wallahi, très intéressante. Ici, il dit quoi, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et d'autres, wa ghayro. Il dit quoi? L'hypocrisie, an-nifaq, écoutez bien, il dit l'hypocrisie était présente dans la période médinoise, ici, comme elle ne l'a pas été dans la période mécoise. An-nifaq, l'hypocrisie, elle a été présente dans la période médinoise, comme elle ne l'a pas été dans la période mécoise. Pourquoi? Parce que dans la période mécoise, ayyuhal ahbab, t'avais pas le temps de rigoler ou d'être hypocrite. Soit t'étais croyant, soit il y avait aucun intérêt à mentir. Parce qu'automatiquement t'étais quoi? Persécuté. Donc, pourquoi t'allais faire l'hypocrite? Pour avoir quoi? Gagner quoi? T'allais être persécuté. Tu disais, j'étais musulman, on te persécutait. Et on va voir les persécutions qu'ont subi les sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Ce qu'ont subi les sahaba, pour qu'au jour d'aujourd'hui, l'islam parvienne à nous au jour d'aujourd'hui, walillahi alhamd. Par leur cause. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, avant tout. Mais par leur cause ensuite. Donc, on voit que, ici, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit que, ici, l'hypocrisie n'était pas présente dans la période. Mais quoi, c'est comme elle a été dans la période médinoise? Parce que quand il y a les épreuves, quand tu sais que si tu dis je suis musulman ouvertement, tu vas t'être persécuté, soit moralement, soit physiquement. Il y aura très peu d'hypocrites, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Amma dans la période médinoise, quand tout s'est calmé, quand le dessus a été pris par qui? Les musulmans, par l'islam. Donc là, l'hypocrisie est apparue en force. Parce que là, maintenant, il y avait intérêt d'être hypocrite. Parce que là, ici, on voit que les vrais croyants, tu les vois, les vrais croyants sincères, tu les remarques dans les périodes de quoi? De fitaine, de persécution. Quand l'islam est dur, d'accord? Quand c'est dur plutôt d'appliquer l'islam. Là, tu vois vraiment les vrais croyants, facilement. Ils sont clairs, ils sont voyants. Ils sont voyants. بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَتُوبَ لِلْغُرَبَاءِ. L'islam a commencé comme un étranger, comme le prophète l'a dit dans Sahih Muslim. Et elle repartira comme un étranger, passer la bonne nouvelle aux étrangers. Les étrangers, tu les remarques facilement dans les périodes de troubles. Amma, quand c'est tout est calme, tout est bien, alhamdulillah, tout le monde veut jouer au savant, tout le monde joue au pieux, tout le monde prétend aimer Allah et son messager, mais quand il y a des troubles, quand il y a des tornades, quand il y a des tempêtes, les grosses épreuves qui font que peut-être tu vas être persécuté, humilié, ça va être très dur pour toi de maintenir et de tenir cette religion, là tu vois facilement les vrais croyants. Là tu les vois clairement les vrais croyants. Mais quand tout est calme, wallahi al-azim, tu ne comprends plus rien. Tu ne vois plus rien. Tu vois devant toi une personne, tu ne sais pas si vraiment elle est sincère ou pas. Parce que c'est trop facile. Ici, d'être entre guillemets, je dis bien, c'est assez facile de pratiquer la sunna, d'être croyant, d'être musulman de façon ouverte. De façon ouverte. Et tout le monde prétend être pieux. D'accord? Et c'est ce qu'on voit, malheureusement, au jour d'aujourd'hui. Ici, c'est devenu un peu, dans certaines contrées, une mode. Wallahi al-ali wal-azim, que c'est devenu une mode dans beaucoup d'endroits sur la surface de la planète, la religion. C'est devenu un peu une mode. Parce qu'il y a dans des endroits, on est à l'aise quant à la pratique religieuse. Par rapport à eux, on est très à l'aise. Ne me dis pas, il y a des persécutions. Il n'y a rien du tout là, par rapport aux compagnons et autres. Il n'y a rien du tout. On n'a rien, nous, de persécution. On n'est pas dans une ni'ma ici. Dans une mosquée, on parle d'Allah et de son messager. Quelqu'un nous l'empêche? Personne, alhamdulillah. Il y a les non-musulmans qui respectent même quelquefois plus que les musulmans, alhamdulillah. C'est un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne comprend trop plus rien. On voit des gens qui appliquent la sunna, mais dans leur comportement, ça n'a rien à voir avec la sunna. Parce que c'est la période calme. Mais quand il y aura les tempêtes, et qu'il y aura les vraies persécutions, et qu'il y aura, le fait que si tu appliques la religion ouvertement, il peut t'arriver de gros dommages, là tu vas voir. Tu verras qu'une petite catégorie de musulmans qui restera. Et ça, c'est, voilà pourquoi la parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc ça, c'était ici la première étape concernant les persécutions du prophète alayhi salatu wassalam, physique et aussi de la raillerie qu'ils ont eu envers as-sahaba et le prophète alayhi salatu wassalam. La semaine prochaine, inshallah ta'ala, on va voir les persécutions envers as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, les grands compagnons qui ont reçu des persécutions physiques, qui ont été torturés et qui sont restés ici sur la voie de la vérité sur l'islam. Et c'est ce qui aura poussé ces persécutions, comme on va le voir la semaine prochaine, inshallah ta'ala. C'est ce qui va pousser as-sahaba de faire la première, car il y aura eu deux grandes émigrations. La première émigration, c'est ici en Abyssinie. C'est ce qu'on verra, inshallah ta'ala, ici la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.